que vous sachiez que Al-Sunnah al-Jama'a disent que Allah Azza wa Jal a aussi des doigts. Allah Azza wa Jal a aussi des doigts. Al-Sunnah al-Jama'a disent Allah Azza wa Jal a deux mains et il a aussi des doigts. Combien il a de doigts, on ne sait pas. Il n'y a pas un hadith qui dit il a 10 doigts, il a 100, il a 25, il a 30. Il n'y a aucun hadith qui dit cela. Mais les ulama disent il y a Allah Azza wa Jal a des doigts. On va d'abord dire l'adillah des doigts. Avant cela, je vais poser une petite question. Je vais d'abord dire à Ghuraba pourquoi tu as levé ta main. Qu'est-ce que tu veux, Ghuraba? Tfadal, Ghuraba. Qu'est-ce que tu veux? Je vais poser une question très simple. Le premier qui lève le doigt, il répond. Je n'ai pas la peine d'attendre tous les autres. Les doigts d'Allah Azza wa Jal, on va montrer quelles sont ses preuves et ses délits. Mais les doigts d'Allah Azza wa Jal, d'après vous, c'est de l'acte ou de l'essence? C'est de l'essence ou de l'acte? Tfadal, Abu Ahmed. Réponds, Abu Ahmed. Tfadal. C'est quelque chose de l'essence. On ne peut pas imaginer Allah Azza wa Jal sans main ou là sans doigt ou là sans yeux ou là. Ça, c'est des attributs de l'essence. Voilà les hadiths des doigts. Hadith, premièrement, hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un compagnon qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit inna quluba bani adam kulluha bayna isbi'ayn min asabi' ar-rahman. Rawa Muslim. Inna quluba bani adam kulluha bayna isbi'ayn min asabi' ar-rahman. Le prophète alayhi wa sallam a dit tous les cœurs de toutes les personnes, tous les cœurs de toutes bani adam sont entre deux doigts des doigts du Rahman, d'Allah Azza wa Jal. Donc tous nos cœurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah Azza wa Jal. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Entre deux doigts des doigts d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'a pas dit combien de doigts, il a dit entre deux doigts. Donc vous savez que tous nos cœurs, le cœur de toutes les personnes sont entre deux doigts, yani sharifain wa jamilain yaliqan billah subhanahu wa ta'ala, des doigts d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre hadith, il a dit yuqallibuha kayfa yasha, yuqallibuha kayfa yasha. C'est pour ça que nous on doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs et qu'il les laisse dans la bonne voie et dans la voie qu'il aime, parce que Allah Azza wa Jal peut renverser d'une minute à l'autre, il peut renverser le cœur de quelqu'un, comme il a dit dans le Coran. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Il a dit et on renverse le cœur de certains, yani leur cœur et leurs yeux, c'est comme si ils n'avaient jamais cru. Et ça, yani ça a été vu et on l'a vu, yani plusieurs fois. Qui ont dévié du chemin alors qu'ils étaient mashallah, ils étaient avec la barbe, avec le sitar, avec, et puis tout d'un coup ils ont tout lâché, ils sont partis au bar, ils sont partis au haram, etc. Et pourtant hier seulement ils étaient mashallah, hier seulement ils étaient mashallah. Donc pourquoi? C'est parce que Allah Azza wa Jal a renversé leur cœur. Donc tous nos cœurs sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous devons à chaque instant demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs. Ensuite, ensuite, il y a un autre hadith, je ne sais pas s'il est ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est le même, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت على ثبت قلبي على دينك. Donc les ulama se sont basés sur ce hadith, pour dire que Allah Azza wa Jal avait des doigts. Il y a sûrement bien sûr d'autres hadiths. Il y a un hadith, je me rappelle maintenant, hadith Abdullah ibn Mas'ud, où il est dit Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, min ahli kitab, ça veut dire des gens du livre. Faqala ya Abul Qasim, il a dit au prophète, le prophète Hassan s'appelle Abul Qasim, c'est sa kunya, il lui a dit ô Abul Qasim, inna Allah yumsiku samawat ala isba', Allah Azza wa Jal, il tient les cieux sur un doigt, ul aradin ala isba', et les terres, car il y a sept terres aussi, sur un doigt. Ensuite le hadith est long, à la fin il a dit, le rawi Abdullah ibn Mas'ud a dit, فَرَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, j'ai vu le prophète عليه السلام ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم rire jusqu'à ce que j'ai vu ses dents internes, tellement il a ri, il a ouvert la bouche. Ensuite le prophète عليه السلام قَرَأَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ensuite le prophète عليه السلام a dit ce verset وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Donc voilà un délit. Sunnah al-Jama'a disent qu'Allah Azza wa Jal a des doigts, mais ils disent on ne connaît pas le nombre des doigts. Ensuite il y a autre chose, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais Sunnah al-Jama'a yuthbituna aydan anna lillahi subhanahu wa ta'ala anamil, anna asabi' Allah subhanahu wa ta'ala laha anamil. L'anamil, si tu reviens au dictionnaire, tu trouves, on va te dire, le bout des doigts. Peut-être ça a un nom en français, je ne sais pas. Par exemple, nous, certains, quand on fait, par exemple, tesbih, on termine la salat, on fait avec nos mains, subhanallah. Par exemple, on prend le pouce, on le fait passer sur les doigts. Le dernier, yani, le bout du pouce qu'on fait passer sur les doigts, ça s'appelle anamil. L'anamil, yani, c'est le bout, les bouts des doigts. Allah Azza wa Jal, ses doigts ont des bouts. Ça s'appelle l'anamil. والانامل هذه كما لا يخفى عليكم صفه ذاتيه c'est un attribut de l'essence bien sûr. C'est dit comme dans le hadith qu'on a cité une fois, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un songe. Il a dit Allah Azza wa Jal, je l'ai vu dans une belle image, j'ai vu Allah Azza wa Jal dans une belle image. Ensuite il a dit que Allah Azza wa Jal m'a demandé, ya Muhammad fima yahtasimu al-mala'a ala, au prophète, sais-tu pourquoi les anges sont-ils de se questionner, de faire un débat? Qultu la adri rabbi, la adri rabbi, je ne sais pas, oh Allah, je ne sais pas. Il a dit fara'aytuhu, je l'ai vu, wada'a kaffahu bayna katifay, Allah Azza wa Jal a mis sa main entre mes deux épaules. Là je n'oublie pas de noter que Allah Azza wa Jal a une main et il a aussi le kaff. Il a aussi le kaf comme dans ce hadith. Les ulama font la différence entre la main et le kaf, comme ils font la différence entre le qadam ou le saq. Font la différence entre le qadam ou le saq ou le rijl. Ici, c'est la même chose. Ils disent Allah Azza wa Jal, il a une main et il a le kaf. La main, ça peut être du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Tout ça, c'est la main. Mais le kaf, ça commence du poignet et on descend, on dit il kaf, comme on dit par exemple darabtu insanan bi kaf, un kaf c'est là ce qu'il y a par exemple à partir du poignet et on descend, ça s'appelle kaf. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jal wada'a ila mi kaffahu entre mes épaules hatta wajadtu barada anamilihi fi sadri, jusqu'à ce que j'ai senti la froideur. Voilà le hadith, voilà ce que je voulais dire, la froideur de anamilihi. Anamilihi, c'est les bouts des doigts. J'ai senti la froideur des bouts de ses doigts sur ma poitrine. Et dans un autre hadith, il a dit entre mes deux seins. Donc, Al-Sunnah al-Jama'a dit que Allah Azza wa Jal, ses doigts ont des anamil. Ensuite, il y a un autre attribut dont on va parler aujourd'hui aussi. On va parler, si vous voulez, du zahik, pour prouver que Allah Azza wa Jal, il rit. Allah Azza wa Jal rit, bien sûr, un rire qui lui sied. pas un rire comme nous. Nous, quand on rit, il nous faut une bouche. Allah Azza wa Jal rit sans bouche. Quand on rit, il nous faut la langue, sinon on ne peut pas rire, les dents, etc. Mais Allah Azza wa Jal rit sans tout cela. Sans tout cela. Peut-être certains vont s'étonner. Ceux qui s'étonnent, bien sûr, ce sont les mouchabbiha. Parce qu'ils croient que Allah Azza wa Jal est comme nous, ça les étonne. Nous, ça les étonne, par exemple, de dire comment Allah Azza wa Jal peut-il rire alors que il n'a pas de bouche. Comment peut-il rire que alors qu'il n'a pas de bouche? Rouraba, ma fille est mouchkil, barakallahu, ma fille est mouchkil. Seulement, je demande à mes frères et mes sœurs que quand quelqu'un vous met un lien comme ça sur l'affiche, quand quelqu'un s'est connu, c'est un salafi, il n'y a pas de problème, inchallah ta'ala. Et des fois, il y a un virus qui vient de lui-même. Il vient de lui-même et il s'affiche. Si vous cliquez à l'intérieur, vous faites des machakil pour votre micro et vous me faites à moi des machakil. Ensuite, vous êtes obligé d'aller le formater. Et même, vous le formatez, des fois, il ne marche pas. D'ailleurs, ce micro, ce n'est pas le mien. Je l'ai emprunté de quelqu'un. Le mien, il est là devant moi, il ne marche pas. Je ne sais pas, c'est un virus ou quoi. C'est pour ça que, barakallahu fikoum, yani, ne cliquez pas sur n'importe quoi qui se met comme ça dans l'affiche. Sauf si c'est un R ou là qui vous met quelque chose, yani, pour vous guider. Inch'Allah ta'ala. M'a fait mouchkine. Je disais que... J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Je parlais du rire. Certains vont dire, comment l'azul peut-il rire, par exemple, sans la bouche? Nous, on dit, subhanallah, l'adhim, c'est très simple. Jahannam ne parle-t-il pas? Ne dira-t-il pas, par exemple, Helmin Mazid? Est-ce que Jahannam parle de pas une bouche? La terre, quand elle va parler. Yawma idin tuhadithu akhbaraha. La terre va parler et tu hadith. Le Coran, c'est le Coran qui a dit ça. C'est la terre qui va parler. La terre, elle a une bouche, elle a une langue. L'arbre qui a parlé. Les animaux qui ont parlé autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La cuisse, nos cuisses vont parler. Les souliers vont parler à la fin du monde. Toutes ces choses-là vont parler. Les arbres et toutes les créatures qui disent subhanallah, subhanallah. Mais nous, on connaît pas, on peut pas comprendre, on peut pas les entendre. Toutes les choses, peut-être qu'elles parlent. Donc, il faut pas s'étonner quand on dit que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala rit, il rit sans bouche. C'est très normal. Quels sont les délits que Allah azza wa jal rit, par exemple, et puis le rire. C'est une sefa, mais une sefa Allah azza wa jal, el fi'liya. C'est une sefa de l'acte. Il rit quand il veut. S'il veut, il ne rit pas, il ne rit pas. Je vais donner par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Bukhari ou Muslim, où le prophète alayhi wa sallam a dit يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة كلاهما يدخلوا الجنة. Le prophète alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jal rit de deux hommes, qui s'entretuent, ou bien rit de deux hommes, dont l'un va tuer l'autre. Dont l'un tue l'autre, les deux vont rentrer au paradis. Allah Azza wa Jal rit. Nous, quand on voit deux personnes en train de s'entretuer. Celui qui va mourir, peut-être on va dire, Inch'Allah Ta'ala, il va aller au paradis, c'est un musulman, il est mort shahid. Et l'autre, celui qui l'a tué, surtout c'est un kafir. On dit celui-là, quand il va mourir, il va rentrer à Ney, s'il est musulman, il va rentrer à Jahannam. Je ne sais pas comment il va rester. Si c'est un kafir, bien sûr, il ne va plus sortir de Jahannam. Et pourtant, quand Allah Azza wa Jal arrête ces deux hommes, celui qui a été tué, c'est un musulman, il arrive donc, parce qu'il va rentrer au paradis, c'est un shahid, c'est le. Et l'autre, celui qui a tué, c'est un kafir. Donc, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal arrive. Le tuer. Il va aller au paradis parce que c'est un kafir qui l'a tué. Et le tueur, Allah Azza wa Jal a ri parce que Allah Azza wa Jal savait que par la suite, il va devenir musulman. Il va attester, il va devenir musulman, il va se convertir. Et lui-même, il va être tué dans une guerre sainte. Il va être tué par un autre kafir. Il va rentrer au paradis, subhanallah al-azim. يعني شوف الله عز وجل يعني comment qu'il connaît l'avenir au point. C'est pour ça qu'il arrive deux hommes qui se tuent d'après nous, le tueur va aller en enfer, alors que l'Azul sait qu'il va aller au paradis. C'est pour ça qu'il a ri, il a su et il savait qu'il allait se convertir, ensuite il allait lui aussi être tué. Il y a un autre hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du dernier qui va sortir de l'enfer, du dernier homme qui va sortir de l'enfer. Quand il va sortir de l'enfer, il va y avoir un discours entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, un discours assez long. À la fin, Allah azza wa jal, quand il lui dira rentre au paradis, il va rentrer au paradis, il va trouver le paradis plein. Allah azza wa jal l'a fait exprès. Quand il sort, il va dire à Allah azza wa jal, le paradis est plein. Allah azza wa jal lui dira rentre, je t'ai dit au paradis. Il va rentrer une deuxième fois, il va trouver plein. Il va sortir, il va dire et Allah, je l'ai trouvé plein. Allah Azza wa Jal lui dira rentre au paradis la troisième fois. Quand il va rentrer la troisième fois, il va trouver plein. Quand il va sortir, il va dire Allah Azza wa Jal atestazi ubi. Ça donne à peu près en arabe, ça donne à peu près en arabe, tu te moques de moi. Atesharubi. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il va rire. Allah Azza wa Jal, il va rire de cette personne. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il disait ce prophète, il riait aussi. Lui aussi, il riait. J'ai dit que le fait que Allah Azza wa Jal rit, c'est prouvé dans des hadiths, dans des Bukhari et Muslim, bien sûr, dans des Bukhari ou Muslim. Et j'ai dit qu'il rit d'une façon pas comme la nôtre. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant. Quand on dit que l'Azza wa Jal rit, ce n'est pas yani, étonnant. Ensuite, il y a quelque chose qui ressemble. Il y a quelque chose qui ressemble au rire, mais ce n'est pas le rire. Il y a quelque chose qui ressemble au rire, mais ce n'est pas le rire. Ça s'appelle le bishbasha. Ça s'appelle le bishbasha. C'est aussi dans un hadith sahih. Et c'est un attribut de l'Azza wa Jal, un attribut de l'acte. Le bishbasha, c'est un peu difficile à dire en français. Les ulama disent c'est l'enjouement, c'est la gaieté, c'est l'épanouissement du visage. C'est l'enjouement, c'est la gaieté et yani, l'épanouissement du visage. Et Dalil, hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. Le prophète alayhi wa sallam a dit quiconque yani, prend la mosquée comme ça à cause de la salat, yani, il reste longtemps à cause de la salat, à cause du dhikr, Allah Azza wa Jal va yatabashbash lahu va yani, être guide de lui. Ce n'est pas sourire, hein, ce n'est pas sourire. Il n'y a pas le tabassum. Il n'y a pas un hadith qui dit Allah Azza wa Jal yatabassum. Il y a yatabashbash. Yani, Allah Azza wa Jal va être guide de lui, enjoué. Il a dit comme يتبشبش أهل الغائب comme la famille de celui qui a par exemple il est allé voyager depuis longtemps, il n'est pas revenu. Il a dit comme sa famille تتبشبش بهذا الغائب lorsqu'il revient, c'est toute sa famille qui est pleine de joie et qui est gaie de lui. La même chose Allah Azza wa Jal quand il voit quelqu'un aller à la mosquée et yani, prendre une place là-bas, il reste longtemps, yani, il ne sort pas à chaque salat, par exemple il reste du dhar par exemple au Maghreb ou à la Isha à cause du dhikr, à cause de la salat, etc. Allah Azza wa Jal devient gai de lui et aussi enjoué. Je crois que j'arrête ici. La prochaine fois je vais parler de la volonté d'Allah, c'est très important. La volonté d'Allah c'est quelque chose de très important. Il faut que Sunna ou Jama'a font la différence entre les deux volontés, entre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-kawniya, ou la volonté shar'iya, shar'iya ou al-kawniya, la volonté universelle et la volonté juridique. Ça c'est quelque chose de très important et que les gens qui n'ont pas encore compris ça yani, ont des problèmes, ont beaucoup de problèmes dans leur aqida, comme les Mu'tazila et les autres. Nous, alhamdoulilah, on croit que Allah Azza wa Jal a deux volontés, une volonté universelle, une volonté juridique. quand on comprend cela, inshallah ta'ala, il y a beaucoup de problèmes yani, qui vont être résolus dans notre aqida. Beaucoup de problèmes vont être résolus dans notre aqida. Yani, comprendre que Allah Azza wa Jal lahu al-mashi'a wa lahu iradatahu tanqasim ila qismayn, irada kawniya hiya al-mashi'a wa irada shar'iyya hiya al-mahabba. Ça c'est très important, il faut assister à ce cours pour le comprendre. Si on le comprend, inchallah, beaucoup de problèmes vont être résolus. Ou bien si vous voulez Allah se réjouit, na'am, si vous voulez on le fait maintenant, si vous le voulez on le fait maintenant. Ou bien parce que moi aujourd'hui franchement je ne trouve pas beaucoup en forme, même je parle comme ça un peu difficilement, c'est pour ça que inchallah je yani fais chirolo ارتاح خمس دقائق ثم ان شاء الله تعالى ارجع الى الاجوبه على اسئلتكم ان شاء الله تعالى. Je m'arrête 5 minutes pour me reposer. Vous préparez vos questions pour que je vous réponde ان شاء الله تعالى. Et je commence par les questions qui ont rapport avec au moins le dars, si c'est pas le dars au moins avec la aqida. وفيك بارك الله ابراهيم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ. و طيب أخ حسن، حسن تفضل أخ حسن. أخي حسن لا أراك. طيب مش موجود. أم أمامة تفضل. حسن جي بالو تفخاز بارك الله فيك، جي بالو تفخاز. قال نشوف وش قالت أم أمامة. بالنسبة للأخي ابن القيم سألها الله حد، فحتى لا تبقى شبهة عالقة بذهني، فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله فهو سبحانه وتعالى لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون بعلم. انتهى كلامه. السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون جدا حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. C'est Ibn al-Qayyim qui avait posé la question. Ibn al-Qayyim, tu as entendu le kalam de Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah. Il dit que fa'huwa subhanahu la ya'lamu hududahu illa huwa. Personne ne connaît ses limites que lui. Li'anna al-khalq la yuhituna bi'ilma. Parce que personne de ces créatures ne peut, yani, je ne sais pas comment on dit ça, là, ne peut connaître toute la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا يحيطون به علما. والسلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لا حدا. بيان سور سلف صالح ديز ils ont ils sont unis pour dire que les créatures ne peuvent pas, ne savent pas ou ne connaissent pas à une limite à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne lui mettent pas de limite en rien, ni en ses attributs ni en autre chose. والله تعالى أعلم. اسكو اسور وما مازال. ومن قال من سبب اثبات الحد في الاستواء غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه وتعالى يعلمه العباد. Et quiconque des salafs qui ont parlé du had في اثبات الحد dans l'istiwa en ce qui concerne l'établissement de الله عز وجل sur le trône ou là sur autre chose, quiconque des salafs a parlé du had, de la limite, ils veulent entendre par cela une limite que Allah Azza wa Jal connaît, pas la limite que yani les ibad lui mettent, les créatures, mais la limite, une limite que Allah Azza wa Jal connaît, une limite qui lui sied à lui Azza wa Jal. C'était un avantage, c'était une faïda ou bien une certaine faïda que la sœur Umama, je ne sais pas pourquoi son pseudo mais dur à prononcer, c'est elle, c'est Umm Umama qui a donné ses avantages. Barakallahu ta'ala fiha. Tafadhal akhtam Allah, tafadhal. تفضل خذ الميكرو بارك الله فيك. تام الله خذ الميكرو. أخي حسن اسمح لي اعطيتك نقطة حمراء فقط لأخبرك انه ما فيه صوت. Juste pour te dire que tu n'as pas de son. Essaye, inshallah ta'ala, de يعني تصلح تصلح اللاقط هذا او تكتب ان شاء الله تعالى. ان شئت خذ مرة ثانية وجرب. اخي حسن بارك الله فيك. Cette fois y a un son qui est arrivé, mais un son à l'hélicoptère. C'est comme si tu es dans un hélicoptère. Hein? Voilà le son qui est arrivé. بارك الله فيك. Essaye de réparer le son ou bien tu écris. تفضل تامر الله بارك الله فيك. طم الله جزاك الله خير. تفضل استيون في البوان غوش. تفضل ان شاء الله pour ne pas perdre de temps à 2 heures ان شاء الله خلاص 2 heures ça veut dire 1 heure chez vous chez moi 2 heures il est 1h20 عندي انا ان شاء الله تعالى pour ne pas perdre de temps. تفضل رياض تفضل parce que طم الله n'a pas rien dit. Salam alaikum. Le créateur, c'est un attribut de l'essence ou de l'acte? Qu'est-ce que tu veux dire par le créateur, Harry? Qu'est-ce que tu veux dire par le créateur? Allah créa à partir de rien. Tu m'as rappelé maintenant une chose. Une fois tu m'avais posé la question sur le néant. Est-ce que Allah l'a créé ou l'a pas créé? Et je t'avais répondu. Je t'avais répondu mais tu ne m'as pas entendu. Je t'avais répondu mais tu ne m'as pas entendu. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Je t'avais répondu. Je ne l'ai pas entendu. Non, en ce qui concerne Osmo. En ce qui concerne le néant, je t'avais dit que Cheikh al-Islam avait dit que le néant Hada, il n'a pas été créé. Le néant, c'est quelque chose yani, qui ne se trouve pas, ça n'existe pas. Ça existe seulement dans quoi? Dans la tête. C'est pas quelque chose qui a été créé. Allez, rahmatullah. Mais tu ne m'avais pas entendu. Je sais que ça marchait pas. Qu'est-ce que tu veux dire ici par ta question? Barakallahu fik. Formule-la encore une fois. Regarde, je ne sais pas comment leur former. Allah crée quand il veut. Est-ce que tu veux dire, est-ce créer, créer, est-ce que le. Yani le fait de créer, tu veux dire, est-ce que le fait de créer, c'est un attribut de l'acte ou de l'essence? Est-ce que c'est cela ta question? Oui, c'est ça. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Al-khalq. Allah Azza wa Jal yakhluq man yasha. Mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. Yakhluq man yasha. En ce sens, c'est de l'acte. Parce que ce que je sais, c'est que les attributs qui sont les deux, je ne connais que deux. Je ne connais كلام الله عز وجل والرحمة اي je connais que Al-Sheikh a ajouté Salah Al-Sheikh Hafidhahullah a ajouté le troisième il a dit l'istiwa mais le khalq Allah عز وجل يخلق هذه صفة فعلية et si j'ai autre chose inshallah ta'ala je te le dirai si je trouve autre chose inshallah ta'ala je te le dirai تفضل تام الله بارك الله فيك فيك بارك الله تفضل تام الله Abou Mourad, tafadhal, j'attends ta question. J'avais dit à Riyad de temps que Abou Mourad pose sa question, moi je vais chercher dans le livre, il y a un livre pour voir pour être plus sûr sur le khalq. J'ai un peu de doute que ce soit les deux. C'est Fialia et Zatia, je vais voir. Non, elle n'est pas passée, Abou Mourad. Elle n'est pas passée. Riyad, tu es toujours là, Riyad. Tu es là? D'accord. Attends une seconde, hein. Et Wesbo, répète ta question à Abou Mourad, elle n'est pas passée, Barakallahu Fik, elle n'est pas passée. Bon, voilà ce que dit Al-Saqaf, que c'est fait, Al-Khalq, il a dit, Sifatun, min sifatillah al-fi'liya. C'est un attribut de l'acte. Fi'liya, sabita bil kitab ou sunna. ثابت بكتابي والسنة pardon Abou Mourad je vais te donner le micro ثابت بكتاب والسنة ensuite il a dit وهي مأخوذة أيضا من اسميه الخالق والخلاق الخالق والخلاق وهي من صفة الذات وصفة فعل معا ensuite il a dit صفة الذات وصفة صفة فعل أيضا صفة الذات وصفة فعل donc Riyad comme je t'ai dit auparavant il a dit c'est seulement c'est fait acte ensuite il a dit acte et essence donc ce qui est sûr c'est un attribut de l'acte mais d'autres aussi comme lui il a ajouté encore que c'est un attribut de l'acte et de l'essence تفضل ابو مراد بون ميكرو بارك الله. Jazakallahu khairan, ce que tu as dit est vrai. Ce que tu as dit est vrai, sah. Al-Hayyu, c'est toutes les. C'est, ça englobe tous les attributs de l'essence. Et le Qiyum, ça englobe tous les attributs de l'acte. De l'acte. Et ça, c'est mentionné par exemple dans le livre de Cheikh Saadi, qui est un livre qui parle. Il explique l'aqida al-wasitiya de Cheikh l'Islam. C'est Cheikh Saadi qui a dit ça dans un de ses livres, et les autres ulama, sûrement ils ont dit ça aussi. Tu as dit qu'en est-il des attributs qui sont à la fois à l'essence et qui ont un rapport avec l'essence, qui ont un rapport avec l'acte. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'en est-il, yani, où rentre-t-il, ou la, comment cela, qu'est-ce que ça veut dire, yani, qu'en est-il s'ils sont les deux, ça veut dire s'ils sont de l'essence et ils sont en même temps de l'axe, ça veut dire ils ont rapport avec le Hayy, ils ont un rapport avec le Qayyum, ils ont rapport avec le Hayy en ce qui concerne, yani, le fait qu'ils ont rapport avec l'essence, et ils ont rapport avec le Qayyum du fait qu'ils ont rapport avec les actes. Je ne sais pas si c'était ceci ta question. Wallah ta'ala alam. Bilal Salafi, tafadhal, barakallahu fik. Jazakallahu khair, Abu Mourad, barakallahu fik, jazakallahu khair. Est-ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ta'ala véritablement, barakallahu fik? Le vrai, le juste, est-ce que le jama'a que personne n'a vu Allah azza wa jal et personne ne le verra que lorsqu'il mourra? Est-ce que le jama'a est taqidun, anna la ahad ra'a Allah azza wa jal, وأن لا أحد يستطيع أن يراه حتى يموت ويلقاه. Bien sûr, ce sont les croyants qui vont le voir, la vraie vision. Les munafiqun, les hypocrites le verront, mais pas dans sa vraie image, car il viendra, comme dit Bukhari, في suratin غير سورته في suratin غير سورته. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, l'arjah, c'est qu'il n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Il n'a pas vu Allah Azza wa Jal, comme il a dit Nour anna ara, on n'a pas vu, et on le verra inshallah ta'lamu anna ahadan lan yara rabbakum hatta yamut kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Shira, tafaddal, barakallahu fik. Hors sujet, tu attends un peu, inshallah, et tu la poses. Shiraz, barakallahu fik. Hors sujet, ça me déconcentre. Là, je vais parler fiqh wa kada. Ensuite, je vais revenir. Attends un peu, inshallah, ta'ala, et tu la poses. Sakina, tafadhali, barakallahu fik. Sakina, tafadhali, barakallahu fik. Les autres, inshallah, ils préparent leurs questions. Dès que je enlève le point, ils parlent ou là, ils la collent, inshallah, ta'ala. Non, je vois pas ta question, Msakina. S'il y a quelqu'un qui voit sa question, il me le dit. Moi, je vois pas ta question, Msakina. Inch'Allah, essaye de la couper. Naam, Shiraz, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as écrit en haut? J'ai pas vu. J'ai pas lu ce qui est écrit plus haut, Shiraz. Tu parles de quoi exactement? Ah, ça. Jazakallahu khair, Shiraz, barakallahu fik. Naam, il dit que il me rappelait de parler de la main gauche d'Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Ça, je vais en parler. Où est-ce qu'elle est la question d'Oum Sakina? Oum Sakina, est-ce que tu veux que je te dise, yani, quelle est la différence entre attribut d'essence et attribut de l'acte? Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu n'as pas compris quelle est la différence entre quand on dit attribut d'essence et attribut de l'acte? Non, ça. Chauffez, je vais t'expliquer, Inch'Allah Ta'ala. C'est très facile. Inch'Allah Ta'ala, c'est très facile. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'ouvre ton cœur pour qu'Inch'Allah Ta'ala, toi et tous les autres comprennent, parce que c'est quelque chose de très important. Et surtout le prochain dars, la volonté, c'est encore très important. Ma'alish. Allah Azza wa Jal, il a des attributs. Il a des attributs. Les ulama ont dit, ces attributs se divisent en plusieurs divisions, ou plusieurs subdivisions. Une des subdivisions, c'est qu'il y a des attributs de l'essence et il y a des attributs de l'acte. En arabe, on dit attributs d'essence, on dit sifatun zatiya. Elle a rapport avec le zat, avec l'essence de l'Allah. Sifatun, et la deuxième, sifatun fi'liya, elle a un rapport avec le fi'l, ce que Allah Azza wa Jalla fait, c'est un acte. Bon, l'attribut de l'essence, c'est un attribut qui est en Allah Azza wa Jalla et qui ne se détache jamais de lui. Il est toujours avec lui. C'est pas comme par exemple un attribut de l'acte, il le fait des fois et des fois il le fait pas. Par exemple la descente, Allah Azza wa Jalla descend chaque nuit. S'il veut Allah Azza wa Jalla descend pas, il descend pas. La yus'al amma yaf'al. Donc c'est un attribut de l'acte parce qu'il le fait, il descend. Allah Azza wa Jalla, il par exemple, il fait mourir. C'est un attribut de l'acte. Il le fait. Il fait mourir. S'il veut, il ne fait pas mourir cette personne, il ne la fait pas mourir. Celui-là, il le crée. Celui-là, ça veut dire, il fait des actes. Ça dépend de sa volonté. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Par exemple, il rit. Il rit. Là, il veut rire, il rit. S'il ne veut pas rire, il ne rit pas. On appelle ça des attributs de l'acte. Par exemple, là, Azzawajal. Bon, je vais revenir à ces exemples. Mais on dit, attributs d'essence, c'est des choses qui ne se séparent jamais d'Allah et qui n'ont pas besoin de volonté. Ils n'ont pas besoin de sa volonté. Ils sont toujours avec lui. Par exemple, les mains. L'Azouj a deux mains. Les deux mains sont toujours avec Allah. Ce sont des attributs d'essence qui sont en son essence. Par exemple, les yeux d'Allah Azzawaj. Les yeux sont toujours avec lui. Ce sont des attributs d'essence. Par exemple, j'ai parlé des yeux, j'ai parlé des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah Azza wa Jalla, il est toujours avec lui, c'est un attribut d'essence, et ainsi de suite. J'espère qu'Inch'Allah ta'ala tu as compris. Vous me pardonnez deux secondes ou là une minute, il y a quelqu'un qui m'a. Je dois lui parler. Inch'Allah, une minute et je reviens. Fiki barakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أمين تفضل. الله أبو أمين تفضل. Baraklou fikoum, il y a du son ou il n'y a pas de son? Il y a du son ou il n'y a pas de son? Baraklou fikoum. Bon, Abou Amin, je ne sais pas où il est. Ibn Abdullah, tafadhal. Ibn Abdullah, tafadhal. Baraklou fikoum. Ibn Abdullah a dit, mais peut-on dire que celui qui meurt kafir, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu du bien de lui? Car on sait que celui qui n'est pas dans la guidée, c'est parce qu'il s'égare volontairement. Hadith a un rapport avec le prochain dars de la Aqida, qui ne sera pas demain, inshallah ta'ala, parce que demain c'est fiqh ou là c'est hadith. Mais quiconque meurt dans le coffre, bien sûr, Allah azza wa jal ne lui a pas voulu du bien, ne lui a pas voulu du bien. Quiconque meurt dans le coffre, quand Allah Azza wa Jal veut du bien de quelqu'un, il le guide vers l'islam, il lui apprend le dîn, il lui apprend la religion, il le rend impieux, etc. Qu'est-ce qu'il a dit dans un... Aussi, je voulais savoir, dans un de vos cours, la dernière semaine, vous avez dit qu'il y avait 10 milliers, je crois qu'il y a-t-il autant d'enfer. 10 milliers, je crois. 10 milliers de quoi? Et surtout, quand j'ai parlé du paradis, j'ai dit il y en a des milliers. Des milliers, c'est, je ne voulais pas dire des paradis, je voulais dire de paradis littéralement. Littéralement, en arabe, quand on dit un paradis, on veut dire boustan. Le paradis, c'est un jardin en arabe. Un jardin. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Kahf, Laula izdakhalta jannataka, qulta masha'Allah. Parce que si lorsque tu étais rentré dans ton jardin, tu avais dit Masha'Allah. Voilà ce que je voulais dire par paradis. Les paradis, ce qu'on connaît, c'est Adnan Firdaus. On connaît quelques-uns seulement. Il doit y en avoir beaucoup. Mais dans chaque paradis, il y a des milliers de jardins, si ce n'est pas des millions. L'enfer, on connaît que l'enfer, il y a un enfer. Et bien sûr, c'est tellement vaste, tellement grand l'enfer. Il a d'abord sept portes. Il a sept portes. Il est tellement grand l'enfer que, comme j'ai dit, que lorsque Allah Azza wa Jal lui jettera les créatures et les mécréants à l'intérieur et les rochers et les cailloux, il jettera tout et il dira toujours Hal min mazid, ajoute-moi, ajoute-moi, ajoute-moi, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal vienne et qu'il mette son pied Azza wa Jal sur l'enfer pour que les deux bouts de l'enfer, les deux côtés, yani, se rencontrent et ainsi l'enfer ne demandera plus à Allah Azza wa Jal Hal min mazid. Pourquoi? Parce que maintenant elle deviendra pleine lorsque Allah Azza wa Jal mettra son pied sur l'enfer. Quant au paradis, il est tellement grand que quand toutes les créatures rentreront, il y aura tellement de place, c'est tellement grand que Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va faire? il va créer de nouvelles créatures pour le paradis, de nouvelles créatures qu'on n'a jamais vues et qui n'ont jamais vécu sur terre. Il les créa spécialement pour le paradis, tellement le paradis est très vaste et tellement il est très grand. C'est la fille, Inch'Allah, tafadlal barakallahu fik. Pour l'instant, il n'y a personne ni au paradis ni en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il a trouvé tous les prophètes. Où est-ce qu'il les a trouvés? Dans les cieux. Il a trouvé Adam, il a trouvé au 7e ciel Ibrahim, au 6e il a trouvé Moussa, etc. S'il y avait quelqu'un qui devait être au paradis maintenant, ce sont les prophètes, alors qu'ils ne sont qu'aux cieux. D'ailleurs, le paradis, personne ne le rentrera jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne frapper pour que ce soit le premier qui va rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. Et même à l'enfer, il n'y a encore personne. Wallahu ta'ala alam. Salafia, Masha'Allah, j'attends ta question. Je rappelle seulement qu'il reste seulement un quart d'heure. Je vous rappelle seulement qu'il reste seulement un quart d'heure et je dois m'arrêter même si je suis en plein question. Salafia, tfadal. Moumou, tfadal le temps que Salafia a écrit. Tfadal. Shiraz, تفضل. سلفي أنا encore rien écrit. تفضل Shiraz. Hilal, je t'ai enlevé le point rouge. Prépare-toi, barakallahu fik. Hilal, tu peux m'envoyer au PV, tu peux m'envoyer dans les mails, c'est mieux, je vais les bloquer, pose ta question à sa place, Inch'Allah Ta'ala. Shiraz, tu peux m'envoyer, quand c'est une question importante, tu peux m'envoyer, Inch'Allah Ta'ala, les mails. Les mails, c'est Ibn Taymiyyah, c'est tout. Ibn Taymiyyah Hotmail. Ibn Taymiyyah, sans le 1, tu n'écris pas numéro 1, tu écris directement Ibn Taymiyyah Hotmail.com, Inch'Allah Ta'ala. Hilal 1406, tafadal. Ah, c'est toi, Hilal. Umlouqman. Tafadal, Umlouqman. Shiraz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu sais, ne parlait pas beaucoup, et il parlait, et on parle un peu pour qu'on soit entendu. Maintenant, quand on parle trop, on exagère, on parle beaucoup, ensuite les gens ne veulent plus nous entendre, même si c'est dans le din, C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en a été hawalum bil mu'ayda, il ne faisait pas comme ça des cours toujours, mais il faisait de temps en temps. C'est pour ça que même quand on parle de din ou là, on ne doit pas y exagérer parce que les gens ne nous entendent plus. Les mails, c'est comme tu l'as écrit, hotmail.com, c'est ça. Bon, j'attends la suite, Inch'Allah Ta'ala, pour les autres. Allez, je lui ai enlevé le point rouge, il n'a pas de point rouge. Pour moi, il n'a pas de point rouge. Je vois, il n'y a pas de point rouge, Inch'Allah Ta'ala. Comme le Rouen n'a pas écrit, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, Abou Aïman aussi n'a pas écrit, posé. Maintenant, je crois que les questions commencent. Comme le Rouen a dit, salam alaikum. Alaykoum salam, ahtla wa barakatuh, hayyakallah. Pour vos doulos, c'est temps que vous accordez pour avoir en question une sur de France de monde. Je ne sais pas comment il est, le temps passe, mon entourage social fait que je connaîtrai que tu serais tout autour de moi. Naam, je suis seul dans le ministère de la vie, dans ma famille, je souhaite marier pour compléter ma religion. Comment dois-je procéder? Bien sûr, premièrement, on doit faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on, comme j'ai toujours dit, on ne se marie pas en bas avant de se marier en haut. C'est Allah Azza wa Jal qui nous marie. Nous, on fait des doigts et on demande à Allah Azza wa Jal de nous choisir le conjoint qui nous convient, convenable. Ensuite, la sœur, par exemple, quand elle va à la mosquée, si c'est du genre qui va à la mosquée, il y a les gens qui remarquent, il y a les frères qui remarquent, etc. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui choisisse quelqu'un. Ensuite, à force de, quand elle a des connaissances avec des femmes, et c'est les femmes qui, surtout les sœurs, qui font marcher, qui font circuler qu'il y a une sœur qui veut se marier, etc. Ensuite, il y a quelqu'un qui, Inch'Allah Ta'ala, va lui demander sa main, Inch'Allah Ta'ala. Mais qu'elle n'oublie pas que c'est Allah Azza wa Jal qui envoie ces personnes, et c'est Allah Azza wa Jal. Tous nos cœurs sont dans entre deux doigts de Allah Azza wa Jal. C'est lui qui incite celui-là à aller vers celle-là, etc. C'est pour ça que elle, Inch'Allah Ta'ala, elle fait beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, elle va à la mosquée, etc. Ensuite, Allah Azza wa Jal va lui ouvrir une porte qui ne lui est pas peut-être dans la tête. En connaissant par exemple des sœurs, quand elle connaît des sœurs, elle expose son cas, et ses sœurs, Inch'Allah Ta'ala, lui trouveront quelqu'un. Il y a toujours une sœur qui a un frère, il y a toujours une sœur qui a un fils, etc. Inch'Allah Ta'ala, qui lui trouveront quelqu'un. Quand elle reste comme ça dans des salles où il y a des frères et des sœurs, etc., elle pose son cas à une sœur, Inch'Allah Ta'ala, une sœur peut lui trouver quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme ça que je vois, Wallahu Ta'ala, A'lam. De toute façon, qu'elle ne désespère pas, le mariage c'est une nuit, mais c'est, comme on a dit, le mariage c'est toute une vie. C'est pour ça que l'insan ne doit pas se précipiter, ensuite tomber dans quelqu'un qui est un ahbash ou là, un chiite ou là, ensuite il va regretter toute sa vie de s'être pressé. Inch'Allah Ta'ala, nous on lui fait un dua, Allah subhanahu wa ta'ala, yerzuqwa bi zawjin salihin ala al-manhaj al-salafi, Inch'Allah Ta'ala. Je ne sais pas quelle est la sœur qui a un point rouge. Ah, d'accord, c'est la fille, ça. D'accord, tu n'as pas encore posé ta question, c'est la fille. Pose ta question, Inch'Allah, ce sera la dernière. Parce qu'il reste seulement 5 minutes. Oum Luqman Fiki Barakallah. Akhi Abu Amin, j'ai pas. Salafia, j'ai pas vu ta question. Salafia, j'ai pas vu ta question. Moumou, tu m'as posé une question plus haut à laquelle j'ai répondu hier. Je ne sais pas si tu étais avec nous. Inch'Allah Ta'ala, je te répondrai aussi demain. Pour la question de Abu Amin, je voudrais l'explication du hadith du message d'Allah sur l'interdiction de voyager vers une autre mosquée que celle-là. On ne peut pas partir voyager à cause d'une mosquée. Sauf si pour les trois mosquées. Les trois mosquées dont tu as parlé. Et voyager comme font les soufis, spécialement d'un pays vers un autre pays à cause d'une mosquée, ça, c'est interdit en islam. On ne voyage que vers les trois mosquées, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Albani et les autres. C'est ça, c'est comme ça qu'attestent les salafis. Pourquoi? Parce que quand on voyage vers une autre mosquée, si c'était possible, si yani on disait c'est permis, maintenant beaucoup de gens vont yani yaqsidun masjidan fihi qubba wa masjid fihi qabr wa masjid fiha kada. Certains vont aller vers une mosquée où il y a une tombe, une mosquée où il y a un tombeau, une mosquée où il y a kada, spécialement pour faire des doua là-bas, et on va rentrer dans la bida. Et quand quelqu'un part spécialement à cause des trois mosquées, il y a un hadith qui dit que quand tu fais une prière al-haram, tu as 100 000, l'autre tu as 1000, et Quds, tu as 250. Tu as, pas comme disent certains, ils disent tu as 500. Le vrai hadith dit tu as seulement 250. Là, voilà, c'est déjà les hadiths ont déjà noté, ont précisé combien tu as l'ajr. Mais tu vas vers une autre mosquée, certains vont croire que, puisqu'il y a des gens qui voyagent vers cette mosquée, donc cette mosquée a quelque chose de spécial. Et ils vont tous prendre leur bagage et partir comme font les chiites. Il va à la mosquée, il se dit c'est Zainab qui a été enterré. L'autre ils vont dire c'est Hussein qui a été enterré ici. L'autre ils vont dire c'est Ali qui va être enterré ici. Et ils rentrent dans les bid'a, ils vont se noyer dans les bid'a. Oum Sakina, j'attends ta question. Où est-elle, Barakallahu fik? Essaye de couper, Inch'Allah Ta'ala, ta question, Barakallahu fik. Essaye de couper ta question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vois que personne n'a voulu prendre le micro. Je vous en profite, Cheikh, jazakallahu khairan anni wa jami' al-muslimin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma question c'est, qu'est-ce que vous dites en ce qui concerne le verset dans le surat Yassine de celui qui est venu pour glorifier les trois messagers de Sidna Isa alayhi salam, et puis on dit qila dkhulil jannah qala ya laysa qawmi ya'lamun, et puis qila dkhulil jannah, ça veut dire est-ce qu'il a eu la victoire du paradis ou il a rentré au paradis, parce que vous venez de dire que il y a personne qui n'a encore rentré au paradis. Voilà, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et peut-être que il y a aussi la question de Momo que vous n'avez pas vu en haut, c'est comment étudier le Madhab Maliki et qu'est-ce que vous lui suggérez en tant que livre Maliki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne hadak ta'sour qui est une qila tkhulil jannah, ça veut dire que hada place, Inch'Allah Ta'ala, sa place est déjà au paradis. Je t'ai dit que pour l'instant, personne n'est rentré au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, Allah Azza wa Jalla lui a montré certains gens en enfer. Et certains gens au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté et est rentré au paradis et il a vu ce qu'il y avait et s'est approché de l'enfer. Il a vu ce qu'il y avait plus précisément, il a vu ce qu'il va y avoir. Il a vu ce qu'il va y avoir. C'est pour ça qu'il a vu une femme. Il y avait un chat qui l'a grippé. Il a entendu les pas de Bilal. Il a vu un château de Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Mais seulement l'Azza lui a donné une idée de ce qui va se passer. Mais on ne rentrera réellement au paradis que quand on t'en mourra, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à qui le paradis va s'ouvrir. Donc l'Azza a dit à celui-là, il a trouvé le Jannah, et yani, khlas celui-là, inshallah ta'ala, sa place va être au paradis. C'est comme qu'on dit nous, yani, c'est un peu difficile à dire en français, yani, inna had l'insan, khalas, yani, alima anna makanahu, inshallah ta'ala, fil Jannah. C'est une promesse, et l'Azza wa Jal, quand il fait une promesse, il ne la laisse, yani, la yukhlifu l'ouad. En ce qui concerne Momo, pour ce qui concerne Madhab al-Maliki, etc., j'avais parlé hier de Madhab al-Maliki, est-ce qu'on peut suivre un Madhab ou on ne peut pas suivre. En ce qui concerne les livres, Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne les livres, il y a certains livres avec lesquels on peut commencer, mais de préférence, comme j'ai dit hier, on va directement vers des livres où il y a la sunna. Il y a directement la sunna, sauf si c'est quelqu'un qui veut apprendre les madhab pour élargir ses connaissances, etc. Sinon, quand quelqu'un rentre en général dans un madhab, il ne peut jamais ressortir. Au point où on va lui dire, il y a un hadith sahih qui dit ceci, cela, il ne peut plus ressortir. Il dit, moi, classe, je suis rentré dans un madhab et c'est difficile pour moi de sortir. Il y a certains livres comme ça que, Inch'Allah ta'ala, demain, je vais te dire quels sont les livres, Inch'Allah ta'ala, demain, parce que je suis en train de penser qu'il est 2h du matin. Naam, 2h du matin, j'ai pas répondu à la sœur Salafia qui a dit que, je vais mettre les lunettes parce que c'est tellement, yani, tellement fin, c'est tellement la couleur elle est. On dit que Allah Azza wa Jal est fils d'Ama. Naam, un sunna dit que Allah Azza wa Jal est fils d'Ama, ça veut dire sur les cieux. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé le ciel. Et on m'a demandé à Allah Azza wa Jal, où était-il avant de créer le ciel? Où était-il avant de créer le ciel? Le ciel, Allah Azza wa Jal, quand il l'a créé, il n'est pas rentré dedans. Il y avait Allah Azza wa Jal et il n'y avait rien. Ensuite, il a créé le ciel. C'est normal. Nous, on n'a pas dit que Allah Azza wa Jal est à l'intérieur du ciel pour qu'on ait une complication. Nous on dit Allah Azza wa Jal au-dessus des cieux, il n'y avait rien. Ensuite Allah Azza wa Jal a créé le ciel, comme par exemple il a créé la terre. Quelle est la différence? Allah Azza wa Jal a créé la terre, est-ce qu'il est rentré dans la terre? Non, il a créé la terre. Il y a Allah, il y a les cieux, il y a le monde et il y a la terre qui fait partie du monde. Donc il n'y a inchallah ta'ala aucun problème. Le problème c'est ceux qui croient que Allah est à l'intérieur du ciel. Comme ça on va dire il y a une mouche qui est là. Où était-il avant qu'il y ait le ciel, les cieux? Nous on dit non, l'Azza wa Jal était et il n'y avait rien. Et dans un hadith Bukhari, il a dit il y avait l'eau bien sûr que lui a créé, mais l'Azza wa Jal était auparavant, il n'y avait rien avec lui. Donc c'est très normal, il a créé les cieux et il n'est pas dans les cieux, il est au-dessus des cieux. Inch'Allah ta'ala, tu as compris, il n'y a aucune contradiction entre ces deux choses. Le problème et la contradiction, c'est si on dit que Allah Azza wa Jal est à l'intérieur du ciel ou à l'intérieur des cieux. Voilà ce que j'ai voulu dire pour aujourd'hui. Il est 2h du matin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se rencontre inshallah demain pour un dars sur les hadiths ou bien sur la aqida. Je ne sais pas. Demain, inshallah ta'ala, on décidera et on dira. Pour ma question, il s'agit de deux sœurs entre 28 et 21 ans. Elle précise que malheureusement, très peu de frères sont sérieux. Naam, très peu de frères sont sérieux, ça, et très peu de sœurs aussi, malheureusement. C'est pour ça que, pour question de mariage, il ne faut pas se presser, ni être trompé par la lahya par la barbe qui est longue, ni par le sitar qui cache les yeux pour la femme. Il ne faut pas se tromper, et dès que on voit quelqu'un avec une longue barbe, on dit ça y est, celui-là c'est le vrai. Ou bien avec le qamis qui est un peu court, on dit celui-là c'est le vrai. Ou bien on voit la femme qui a caché yani, tout son visage, qui a mis quelque chose, un djilbab très long, on dit celle-là c'est la vraie. Il faut toujours ne pas se précipiter, chercher la aqida, naam, chercher c'est quelle est sa aqida et quel est son comportement. Il y a la aqida et il y a le comportement. On peut avoir une bonne aqida, une aqida vraie, alhamdoulilah, mais un comportement très mauvais. Quelqu'un de très énervé, quelqu'un qui n'est pas, on ne peut pas vivre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a un comportement très mauvais. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un vous demande la main, s'il a, il faut qu'il ait din, la religion, il faut qu'il ait aussi le khuluq, le bon comportement. Inch'Allah ta'ala, Allah niftaha lana wa iftaha alikum jami'an wa an yuwaffiqakum lima fihi khayrul akhirah wad dunya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa ila ghadin inch'Allah ta'ala.